40e leçon. La rue Mouffetard. Le dimanche matin, Madame Ferrandi va au marché de la rue Mouffetard. C'est un très vieux marché en bas d'une petite rue étroite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivant. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Et il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens se parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant l'éventaire d'un marchand de primeurs. Quelle est la différence entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Exercice. Tout le monde est content de ce livre. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. Que faites-vous le dimanche matin? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? Tout le monde se parle en même temps.